ne pleure pas, mon gars. Elle reviendra ou pas. Faudrait pas que tu croies que tu étais son seul roi. Ne pleure pas, l'ami. Elle avait d'autres envies, d'autres amants dans sa vie. Elle était si jolie. Mais faut pas que tu sombres, que tu croules sous les ombres, que tu croules sous le nombre de ces nuits de décombre. Mais faut pas que tu tombes dans des eaux trop profondes, dans des eaux où des hommes disparaissent du monde. Pleure pas, mon enfant, l'étoile au firmament guide ton cœur au vent qui souffle comme un chant. Ne pleure pas, mon fils, cette fille aux fleurs de lys n'était que les prémices d'un amour que tu tires. Mais faut pas que tu sombres, que tu croules sous les ombres, que tu croules sous le nombre de ces nuits de décombre. Mais faut pas que tu tombes dans des eaux trop profondes, dans des eaux où des hommes disparaissent du monde. Allez, sèche tes larmes, tu sais bien que les drames sont comme bien des âmes qu'on tombe au pied des dames. Tu sais bien que la flamme allume d'autres flammes qui réchauffent notre âme, notre rose des sables. Mais faut pas que tu sombres, que tu croules sous les ombres, que tu croules sous le nombre de ces nuits de décombre. Mais faut pas que tu tombes dans des eaux trop profondes, dans des eaux où des hommes disparaissent du monde. Mais faut pas que tu tombes dans des eaux trop profondes, dans des eaux où des hommes disparaissent du monde.